Eh bien, bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Open Escape, c'est parti pour cette sixième édition d'Open Escape, cette avant-dernière de la saison. Dimanche prochain, ce sera la dernière, effectivement, et puis après, on se retrouvera au mois de septembre. Pour nous joindre, c'est simple, allez sur Skype, recherchez le pseudo radio.actif, et puis donc vous pourrez passer à l'antenne. On attend vos appels. Et bonne fête à tous les papas.

Et pourtant, on ne sait pas pourquoi ça pue dans les vestiaires. Non, je pensais bien, mais je vais m'y mettre, là. J'y vais m'y mettre parce que, bon... Bon, hier, là, je croise un gamin dans la rue qui fumait une cigarette qui fait rire. Je lui dis, mais gamin, tu ferais mieux de faire du sport. Et là, il me répond. La seule différence qu'il y a entre un drogué et un sportif, c'est qu'il y en a un des deux qui est sponsorisé. C'est grave. Non, il faut quand même reconnaître que bon, le sport a quand même beaucoup évolué. Hein. Prenez les Grecs. Bon, ils aimaient ça profondément. Hein. Ils aimaient ça profondément, les Grecs. Bon, les premiers JO olympiques. Bon, eh ben, les athlètes, ils étaient tous à poil dans le stade. C'est historique. Ils étaient parce que c'était sain, c'était beau, c'était naturel, c'était esthétique. Maintenant, c'est plus possible. Non, c'est que tu vas coller le sponsor. Non, mais je pense bien. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre parce que, de toute façon, maintenant, j'ai plus le choix. Parce que, attendez, bougez pas, j'ai acheté des chaussures. Et sinon, à part ça, je pensais bien. Je vais m'y mettre, mais pas au tennis. Parce que le tennis, moi, ça me casse. C'est deux mecs qui se renvoient la balle continuellement avec un filet au milieu qui fait chier tout le monde. Oh, cet excès de politesse comme ça. C'est bien anglais comme sport. Alors, je reviens contre les Anglais, hein, je n'en parle pas. Non, mais les mecs, ils sont là comme ça, ils sont là. Les mecs, ils sont là comme ça, ils sont là. Tiens, je t'envoie la balle. Non, non, j'en ferai rien, t'as qu'à la garder. Et l'autre en face, il insiste comme ça. Non, non, vraiment, prends-la, toi. Et l'autre en face, il fait comme ça. Mais vraiment, je te jure, tu peux la garder. Les mecs, au bout d'un moment, ça commence à les énerver aussi, ils se la renvoient plus fort. Et à un moment donné, arrive ce qui doit arriver, il y en a un des deux qui le met dans le filet, il y a un gamin qui passe, il la prend, il leur pique. C'est bien fait pour eux. Non, mais les mecs, ce que je préfère dans le tennis, moi, c'est... C'est les matchs féminins. À la radio. Non, c'est bien. C'est bien, je vais m'y mettre. J'ai m'y mettre parce que le sport, c'est bien aussi, c'est pour l'esprit. Ouais, c'est pas moi qui dis ça, c'est Gérard Holtz. Et lui, c'est pas le dernier des cons, attention. Hein. C'est le premier. L'esprit du sport. Enfin, quand on dit l'esprit du sport, bon, peut-être pas la boxe. Bon. La conférence de presse d'avant-match. C'est la pression, c'est les médias, il faut monter la sauce. Mais ils sont là, Je vais écraser comme une merde quand les mouches le verront, ils crieront à table. Mais c'est Claude à côté, c'est pas une tapette. Oh, et moi j'ai tellement lui déformé le visage que quand il verra René Monori, il l'appellera papa. Enfin, quand même l'un dans l'autre. C'est quand même mieux pour la société d'organiser des combats que de les subir. Parce que tu contrôles le défoulement collectif. Bon. Il y a des gens qui ont payé pour regarder, comme au pipe-show. Alors au début, les mecs, ils sont un peu timides. Ils sont comme ça, ils sont là, ils s'observent. Et à un moment donné, bon, ils commencent à... Bon, ils se foutent sur la gueule. Une question de voisinage, de gonzesse, ça, c'est leur problème. Hein? À un moment donné, ils sont dans les bras l'un de l'autre. Et c'est là que ça commence. Au moment où ils vont pour s'embrasser, il y a un mec en blanc qui arrive, paf, il les sépare. Et en plus, les mecs, pour les agacer, on leur a mis du plastique dans la bouche pour pas qu'ils puissent mettre la langue. Le public, comme c'est... Le public, il est frustré, comme ça, le public, il est là, nique-la. Les pauvres gars, ils sont là, mais on peut pas enlever nos shorts avec nos gants. Non, je pensais bien, moi, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre, mais bon, pas au foot. On nous fait croire que le but au foot, c'est le but. Le but des joueurs au foot, c'est de pouvoir s'embrasser et se ploter devant tout le monde. Alors que pendant ce temps-là, t'as un pauvre gars tout seul au milieu du terrain qui, visiblement, d'après sa tenue, est en période de deuil. Mais tu crois qu'il y en a un qui lui prêterait le ballon de temps en temps pour lui changer les idées? Poste. Pauvre gars, il passe son temps à courir après les joueurs, comme ça. On est certainement pour leur demander où est l'enterrement. Hein? Et là, t'as une bande de cons dans les tribunes qui lui crient aux chiottes. Et là, le pauvre gars est obligé de se justifier dans sa situation. T'es obligé de sortir un carton de sa poche, dire je peux pas y aller, j'ai pas assez de papier. Non, mais c'est bien aussi le sport, moi je vais m'y mettre quand même. Je vais m'y mettre parce que c'est bien aussi, c'est pour l'effort. Parce que ça apprend à l'effort. Aller au bout de soi-même. Et même, il y a des sportifs, mais ils sont tellement forts que... Bon, à un moment donné, ils sont au bout d'eux-mêmes, et ben, ils se dépassent. Non, c'est vrai, moi je suis sûr qu'il y a un côté maso dans le sport. Il y a un côté mystique. Les mecs, ils en chient quand même, ils en battent. Ils meurent jeunes, tout ça, ah ouais. Et nous, on regarde ça et ça fait du bien à voir. Hein. Non, il y a un côté mystique, c'est un chemin de croix. Moi, je dis que si Jésus vivait à notre époque, on l'aurait pas mis sur une croix pour expier nos péchés, on l'aurait mis sur un vélo au pied du tourmalet. Sinon, en fait, moi j'ai des chaussures à vendre. Ça intéresse quelqu'un? Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes environ. C'est à vous après le bip sonore. Maintenant. Oui, bonjour, personne ne va dire. Axé sur le 78. Qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière semaine? Il y a pas mal de choses, effectivement. Première chose que je voudrais mentionner, la situation avec les Philips Dreux, donc ceux qui connaissent, donc c'est une usine qui a été, je dirais, arrêtée au niveau de la production. Les employés ont pris des outils de production, ont fait leur propre production pendant un certain temps et se retrouvent dans la situation, donc le patronat a quand même essayé de remettre les choses en place correctement, si on peut, en bloquant toute la production et, ce qui est encore pire, bloquer les avoirs, donc les comptes financiers du syndicat CGT EGT, qui est donc une branche dissidente de la CGT, donc CGT radicale. En prenant eux-mêmes leur outil de production en main, et vous trouvez que donc, c'était faisable, et comme l'histoire des LIP, dans le temps avec les montres LIP, donc ils ont pris l'outil en main, produit avec des bons résultats. Naturellement, ça ne plaît pas à cette direction, la preuve en est, et je vais lire le communiqué de presse qui a été fait par la CGT avec notre camarade Manu, directement sur place, je vais vous lire. Alors, donc c'est Manu Georget qui est donc le responsable, la personne clé de la CGT Philips et GPA Dreux. Le syndicat, communiqué de presse, le syndicat CGT Philips Dreux tient à remercier tous les camarades qui ont apporté un soutien financier à la suite de notre appel à la solidarité. Et dans cette affaire, la situation est bonne et nous tenons à vous informer qu'une saisie attribution d'un montant de 10 267,75 € a été signifié le 7 juin 2010 par le déposant suivant SCP Godin et Coisy, huissier de justice à Dreux Cedex, agissant pour le compte de SA Philips France. Cette saisie rend indisponible la totalité des avoirs pour réception sur le compte du syndicat CGT de CGT Dreux et le compte demeurera bloqué jusqu'à la main levée de la saisie. Paiement aux créanciers. Cette saisie a été demandée par un membre de la direction du site Philips Dreux. Comme par hasard, ce n'est pas disons, la direction générale internationale, c'est simplement un membre de la direction. Ce n'est même pas Philips Dreux, c'est un membre à titre personnel qui le demande. L'huissier refuse tout dialogue avec le syndicat, même de mettre en place aucun échéancier. Aujourd'hui, cet huissier s'est présenté avec force de l'ordre et ses ouvriers, ce qui est normal pour informés de la notification de la saisie, bien sûr, il a repoussé chemin, mais dès le lundi 14 juin à 9h, il se représentera à la porte locale syndicale notifiée. Aujourd'hui, nous sommes loin d'avoir accompli ce montant, mais nous appelons tous les camarades à soutenir notre lutte par des actions possibles. La première pourrait être un soutien sur place dans notre local à partir de lundi 14 juin matin. Il est sûr que si nous récoltons cette somme, nous organiserons une grande manifestation à Dreux afin que le cortège de classe ouvrière fasse entendre sa colère face au grand capital. Donc, c'est une petite nouvelle hein, que je voulais mettre à disposition. Il y a d'autres évolutions dans le dossier de Philips Dreux. Deuxième dossier dont je voulais vous parler, c'est un rassemblement de la grève. 78, c'est hyper important parce qu'il y a plusieurs camarades que je connais personnellement sur le 78 dans tous les centres de tri de poste de 78 à lundi à partir de 8h à la gare de Saint-Quentin-Ville devant la direction, il y a un appel donc, de différents comités mais surtout il faut signaler encore une fois la seule CGT, c'est-à-dire que dans les autres syndicats ne font même appel à donc, une manifestation. C'est la CGT qui reste la plus combative actuellement encore dans le cadre de ce qui se passe donc à la poste. Signalons également sur le terrain même des postiers. Il y a beaucoup de choses qui changent les derniers temps, les 2-3 dernières semaines, dans tous les centres, Versailles, Montpellier, Saint-Quentin, les tours de distribution sont complètement chamboulées, donc on change de tournée, elles deviennent plus longues, plus pénibles, et les postiers ne peuvent pas terminer dans les heures imposées. Ils sont obligés de repartir sur des tournées qui sont plus longues, et ça veut dire aussi que donc ils rentrent plus tard à la maison, sachant qu'ils commencent très tôt le matin. Nous interviendrons également dans ce sens-là, dans différents centres, regardons les traits, et les camarades postés pourront compter sur notre action. Délimité sur le 78. On ne pourra pas aller plus loin pour l'instant, mais on est en train de faire la jonction avec d'autres organisations proches du terrain que le syndicat classique, qui actuellement sont déficients au niveau des actions locales. Bien, je dirais que donc là c'est donc un petit tour d'horizon. Petit tour d'horizon sportif. Donc là c'est la débâcle complète. La confirmation a été encore donnée il y a quelques heures de ça. Concernant notre équipe de France, le chaos complet, sachant que donc je dirais même un abandon complet de la part de l'équipe de France qui peut-être ne pourra pas. Le prochain match, le centre le pouvoir de l'argent a pris vraiment la main sur la situation. Je vois que donc nous avons encore 2 minutes. Je voudrais faire un petit rappel de la situation également au sein de différentes sociétés dans lesquelles nous sommes actifs. On nous a maintes fois posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver donc un logement? Est-ce qu'il faut se syndiquer actif? Je dirais non, il ne faut pas se syndiquer actif pour trouver un logement. Ce n'est pas un ascenseur qui va dans un sens pour vous donner dans l'autre. Actif signifie simplement une adhésion volontaire et délibérée de la personne. On peut simplement mettre en place des idées, c'est à vous d'agir. On vous apprendra comment faire pour trouver donc un logement. Il y a différentes solutions, il faut faire trouver les moyens, être créatif. Je peux vous assurer que donc sur le terrain, les résultats s'obtiennent de cette façon-là. Simplement pas donc des promesses en l'air, il faut se auto-organiser pour trouver des solutions. Et je demande que donc, tout le monde y participe à ce moment. Bien, donc je dirais donc là pour l'instant j'ai pas d'autres sujets qui est chaud. Peut-être donc un petit appel une dernière fois à nos auditeur. Si donc un auditeur nous écoute, donc il faudra tout simplement se connecter par Skype. C'est un petit rappel sur notre présentateur habituel qui participe à la radio. Donc le mentionne souvent. Mais donc notre radio peut être jointe par via Skype avec le compte radio.actif. Cherchez sur votre répertoire et vous rajoutez dans les favoris radio.actif. Donc à vous tous. Donc, un petit rappel également, ce qu'on avait lancé il y a déjà 2 semaines, c'est pour les jeunes avocats et je dirais bureaux d'avocats qui cherchent du travail. On a plein de dossiers sur toute la France, dans différentes sociétés, pas dans le domaine uniquement où est issu actif, c'est-à-dire nous avons plein de membres qui sont déjà actifs dans différentes sociétés. Ça veut dire aussi que nous avons des dossiers à portée de main qui sont déjà pré-mâchés. Je relance également donc, notre appel aux avocats jeunes à la recherche de travail. Les bureaux spécialisés dans le droit social qui veulent éventuellement donner donc, un jeune avocat au sein de leur structure. Donc la possibilité de prendre en main donc, un dossier vraiment brûlant, qui est déjà pré-mâché avec les bons cas de figure de défense des salariés. N'hésitez pas à prendre contact également par le biais de la radio. Par le biais de la radio, donc avec radio.actif sur Skype, en laissant des messages sur les 2 sites, donc Radioactif et puis donc l'autre site, qui est notre site principal, www.actif.fr. À vous l'antenne. Donc

Les poupées vaudou ne seront pas remboursées par la sécurité sociale. Même celles à l'effigie de mon prédécesseur. Le plat national français ne va pas devenir le poulet maffé aux sauces gombo. En revanche, loin de moi l'idée d'un quelconque droit de cuissage. À ce propos, et je m'en excuse auprès de mon ami Dominique Strauss-Kahn, mais la polygamie ne sera pas légalisée. Toutefois, en mélisant, les Françaises et les Français ont démontré qu'ils faisaient fi des préjugés. En effet, je suis le premier gros à atteindre la fonction présidentielle. Et sans vouloir m'immiscer dans les programmes de télévision, je verrai d'un bon œil le retour de PPDA à TF1. Oui, ça ferait plaisir à ma grand-mère. L'humanité avance avec ses différences. Même si certaines différences, notamment dans les coutumes culinaires, devraient tout de même évoluer sous mon quinquennat. En effet, tout le monde sait que les Chinois mangent avec des baguettes, les Européens mangent avec des couverts, les Américains mangent avec les doigts et les Africains mangent avec les yeux. Enfin, je tiens à vous remercier Français, Françaises qui m'avez élu président de la République, car maintenant, et grâce à vous, je vais enfin pouvoir régulariser mes papiers. Merci, bonsoir. Vous écoutez Open Skype, il est 17h47. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur Radioactif, donc dans l'émission Open Skype. Pour participer à l'émission, vous pouvez vous connecter sur Skype et rechercher le pseudo radio.actif. Voilà, donc à tout de suite, nous attendons vos appels pour que vous puissiez participer, seul ou à plusieurs, à notre émission. Il est 18h, vous écoutez Radioactif, vous êtes dans l'émission Open Skype pour nous contacter. Connectez-vous simplement sur Skype, recherchez le pseudo radio.actif et puis contactez-nous par ce biais-là et vous pourrez passer comme cela à l'antenne. Thank you. Vous êtes sur Radioactif pour 4 minutes environ. C'est à vous, maintenant. Vous devez avoir un problème de micro, on ne vous entend pas du tout. Non, on ne vous entend pas. Essayez de voir au niveau de votre micro. Et puis, on vous rappelle d'ici quelques minutes.

Allô. Si vous m'entendez, chers auditeurs, donc je voudrais vous passer quelques nouvelles concernant Téléperformance. Donc cette semaine a eu lieu le CCE et le CE de Téléperformance. Nous sommes en étroite collaboration avec l'intersyndicale au niveau de Téléperformance et nous avons pu obtenir quelques informations intéressantes pour nos auditeurs qui suivent les actions menées dans les différents centres d'appel français et marocains, tunisiens, ainsi de suite. Nous avons eu vent d'une information par le biais du CE et CCE de Téléperformance qui fonctionne quand même assez correctement. Comme quoi, donc, les activités de hotline de différentes sociétés françaises seraient de nouveau dans la balance pour obtenir des contrats chez Téléperformance. Chose étonnante, on a eu vent donc, d'une information encore qui est à vérifier, comme quoi donc, la société Free ferait donc, le nécessaire pour se mettre en rapport avec la société Téléperformance, aurait même démarré certaines activités collatérales, et ceci tout en délocalisant sur l'ouest de la France, donc on n'a pas plus de précisions dans les médias. Questions ultérieures seront posées donc directement par Actif par le biais du CE de nos copains présents au sein de Téléperformance. À bientôt pour des nouvelles de ce front là. Vous écoutez Radioactif, il est 18h30 actuellement. Pour nous contacter, connectez-vous sur Skype et recherchez le pseudo radio.actif, actif avec un K, et tout attaché. Thank you. Après cette musique, il sera temps de faire une petite page de publicité suivie d'un sketch avec plein de bons jeux de mots comme on les aime. Dépêchez-vous de nous contacter sur Skype en composant, en recherchant le pseudo radio.skype, car il vous reste quelques minutes simplement avant la fin de l'émission. Donc profitez-en, ne laissez pas que la musique, intervenez, l'antenne est à vous. Vous écoutez Radio Active. L'heure est grave. Hazardous environment detected. êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Tacticalfm.com. Ose dénoncer. Tacticalfm.com. Ose dénoncer la désinformation. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, actif.fr. Nous sommes désolés d'interrompre la programmation normale pour ce bulletin spécial. Allons tout de suite rejoindre notre correspondant à quelque part sur la planète. On est en état d'alerte, je répète, nous sommes en état d'alerte. Le www.tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre. Nous avons absolument besoin de sympathisants comme nous. Nous avons absolument besoin de gens qui désirent s'impliquer afin de faire promouvoir la communauté et de faire l'évoluer. Je répète, tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre et de gens qui désirent s'impliquer. N'oubliez pas que cette communauté de podcasteurs radiophoniques est la seule qui ose dénoncer et qui ose critiquer les masses médias normaux. Si vous pensez pouvoir aider de quelque façon que ce soit, tacticalfm.com, envoyez tout de suite un courriel à info@tacticalfm.com. info@tacticalfm.com. Je répète, ceci n'est pas une simulation. Ceci n'est pas une simulation. Le www.tacticalfm.com a besoin de vous. De retour au studio. Merci. De retour à la programmation normale. Oui, allô, oui. Oui, ma chérie. Bah oui, bah, c'est qui? Bah c'est moi. Bah je suis au carrefour. Quel carrefour? Carrefour du rond-point. Dans quel coin du carrefour du rond-point? Dans le coin fruits et légumes. Les salades, je les cherche, les salades, je les cherche, les salades, je les cherche. Ça y est, j'y suis, hein? Les tu? Je te dis que j'y suis. Ah, salade, les tu? Oh, j'avais pas compris. Bah, il y en a plus, il y en a eu, mais là, il y en a plus, hein? Que je demande à une vendeuse, une frisée. Pourquoi les frisés s'y connaissent en laitue? Qu'est-ce que c'est que ces salades? Bon, tu m'appelles, bon voilà, hein? T'as oublié le poissonnerie? Eh ben tu me demandes, je vais trouver, tu sais comment je suis ton mari, je trouve toujours. Poissonnerie, poissonnerie. Ça y est, j'y suis, hein? Comment sont les sols? Parlez! Ah, les poissons, les sols. Oh, bah écoute, elles sont plates. Elles sont bonnes. Bah comment veux-tu que je sache si elles sont bonnes? Elles viennent d'où? Attends, il y a un petit panneau. Ouais. Elles viennent du Portugal. C'est bon signe. Si, en général, les bonnes viennent du Portugal. T'en veux pas, tu préfères, hein, charcuterie? Eh ben, tu me demandes, je vais trouver, tu sais comment je suis ton mari, je trouve toujours. Charcuterie, ça y est, j'y suis. Il y a un monsieur. Je lui demande, mais je lui demande quoi? D'accord. Bonjour monsieur, comment est votre boudin? Le boudin du monsieur est maison. Oui, oui, il va me le sortir pour me le montrer. J'y connais rien, mais sans y toucher, je peux te dire qu'il est ferme. Des rognons, il doit en avoir aussi. Quand on a un boudin pareil. Tu préfères un poulet fermier? Il en a un très très beau, oui, tu penses très beau, il vient de Brest. Tu penses qu'il a de belles cuisses, il vient de Brest, ça fait une trotte. De la chair à saucisse, mais pourquoi faire? Une farce? Une farce avec qui? Au poulet! Tu sais, dans l'état où il est, là... Ça m'étonnerait que ça le fasse marrer. Je lui demande, est-ce qu'il vous reste de la cervelle? Il réfléchit. Je prends tout, monsieur. Je prends tout. Oui, oui, je prends tout. Oui, non, mais ça, c'est pour demain, mais pour ce soir. Hein? Des bouillons en cube? Mais j'ai trouvé ça où? Ouais, des soupes en briques. On va encore bien bouffer ce soir.

écoutez Radio Active. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour Open Escape. On se retrouve dimanche prochain, même heure. Ce podcast sera disponible sur tacticalfm.com et sur archive.org. À dimanche prochain, ciao, bye bye. C'était Open Skype sur Radio Active.